Entrez, entrez. Donnez-moi vos manteaux. Ou plutôt, posez-les là sur la banquette. Je m'en occupe. Tiens, c'est du champagne. Mets-le vite au frigo. C'est gentil, mais il ne fallait pas. Installez-vous au salon et servez-vous à boire. Ne m'attendez pas. Attention, ne t'assois pas sur ce fauteuil. Il est tout mouillé. J'ai renversé de l'eau. Assieds-toi plutôt sur le canapé.